et haute mer. Tous veulent la haute mare. Au pied de la bande de mer, une prod sale et on démarre. Comme d'hab, je creuse l'écart, rien à foutre de leur standard. Ici pas de monarque, juste moi et mon art. Garde ma poésie, trouer les murs, choquer les sourds. Garde ma feuille, elle et moi en rêve de péter leur tour. Au départ, tout ce qu'on voulait, c'était péter le score. Et au final, je m'en sers encore pour briser le sort. J'rappe, rime sanguinolente, jetée comme des lames. Parfois ça pose les armes, ouais, ma ville a du charme. Fier jusqu'à l'indécence, les mêmes parlent souvent. Mais on se calme avec un, et le soleil couchant. Faut revenir à la faute, où je vais niquer la prod. Mentir à la proc, c'est pas réciproque. Ils s'en foutent des notes, juré je suis en mode. Un 3 je suis en or, pour eux je suis en nègre. Le papier je l'aime en mauve, et quand je vole je suis en aigle. Je meurs ici, entre les missiles. Faites-moi du vicie, pas loin de la Sicile, tu connais le récit. J'ai fait le tour du monde, mais je suis revenu à la mise à l'eau. Je crame un pet, je plonge dans les étoiles en immersion. Dans le 4 motion, je sors aux Arnavaux. J'ai failli frapper deux fois depuis qu'ils ont fait les travaux. Je job à plein temps, je me suis écarté de plein de gens. Tu crois que je suis ton collègue, j'ai plus 20 ans. Pouf. Nous revoilà, un troya koala, longue vie la squala. Comme impliqué sans corante dans l'ancienne Savola Guala. Vite caché derrière de beaux habits, ça donne bout d'avis. Pas le temps d'être au bout de sa vie, tout va vite comme j'ai fait d'Abu Dhabi. 1, 2, aïe aïe, day day. Paul Po Benef, Aha 22, spot bleu, temps plein DF. En bref, un 3, rien de neuf. 3 devant R9, fric frappe quand tes speed up sont terribles. Rap Marseille, poids lourd, intenable. Rat en bon flow, kung fu qui cantonna. Mieux crever que vivre à genoux, rien de new. Le monde après nous, pou, ils n'auront rien. J'suis pas un ancien, j'suis une légende. Ici y'a que les Carlos Moser qui visent les jambes. J'suis un putain de sale rappeur, quoi que disent les gens. Si j'veux, j'leur roule tous dessus, mais j'veux pas salir mes jambes. Ici les jeunes, des jeunes en fumant le jaune, fument les gens, même en période jeune. Marie-Jeanne offre plus d'emplois que Marianne. Quand tu fais le tour de France, y'a plus de gilets jaunes que de maillots jaunes. Si t'as les gènes, un peu trop bronzé, tu les gênes. Le monde est chum, bientôt des collégiennes pleines de collagène, c'est la jungle. Manifestation fumigène, femme seule armée de bombes lacrymogènes. Entre égo triple social, je viens rapper, très organisé avec les protis égyptis du rap marseillais. Le gang des postis, des royalties de ces 40 dernières années. Toute la ville a les dents longues. On aime briller dans l'ombre. On en a perdu un grand nombre. A jamais respecté dans le monde. C'est ma ville, je l'aime comme ça. Tu sais, je l'aime comme ça. Je vais peut-être dormir dans ses draps. Le rouler, le rouler sous les étoiles. Aucun avenir dans ses drames. Aucun avenir, non. Aucun avenir, non. Laisse-moi mourir dans ses bras. C'est dans ses bras qu'on mourra. DZ et Jerry, ma chérie. C'est la nouvelle wilaya d'Algérie. Haraga, Anabi, Wahrani, Kabil et Chawi. Ça se mord la langue comme Imen Khalif. Quartier sous CR, les petits airs. Au bord de mer, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise aux petits frères? De toute façon, l'État les a laissés de côté. Les dames ont pris dans les caves, ils veulent fermer les mosquées. Marseille, ça parle en crypté. Paye en crypto, le cœur est frité. Les frères qui partent tôt, les mères attristées. Ils voulaient que je porte la flamme olympique. Je préfère lever le drapeau de la Palestine. Je monte sur scène, danse et réveillant. Micro saillant, sans dessin. Plus faillette que paillot ou paillant. Dans ce carré où les vandales ont brisé les vitrines. Le parquet requiert un an pour de pantalons. Je rappe pour que les gominés crient gomino. Et que les sales pédos tombent comme l'ego ou domino. Mon cahier dream soulevé au comico. Parce que les gros m'offrent la trêve de Geronimo. Anticolon, l'aigle c'est ma colombe. Bref, sur feuilles volantes, je n'écoute pas leur violon. Leur paix est violente. J'emplis mon cœur de l'air et l'art de Bari. Je ferme sac et valise, je leur laisse l'or du mari. Je suis pas le voyou dans les clips, j'éteins comme une éclipse. À dire qu'à 10 minutes chez moi, ça se fait la guerre. Un peu comme les Bloods et les Crips, je travaille pas mon équipe. Je connais les codes, je connais l'équipe. Je suis pas le genre de mec qui va coller les kings. Nouvelle école, ancienne école. Pour moi ça reste la même étoile. Si pour toi les sous ils tombent du ciel, c'est qu'on est pas né sous la même étoile. J'ai remis de l'eau dans le vase, la fleur était fanée. J'ai pas vu le soleil, j'étais au studio toute l'année. J'aimerais me balader normie, mais ma tête est cramée. Dans la restaurant, j'écoute les rappeurs de ma ville pour planer sur une autre planète. Je mets jamais sur le paraître, je passe en monstre, les flics me suivent, ils me prennent pour un vendeur de barrettes. C'est Marseille, c'est Paca, c'est bruyant, c'est pas calme. C'est bruyant, c'est le vacarme, c'est violent, c'est macabre. Les haras, les haka, les brancards, les braquages. Je fais plus qu'à, c'est banal, c'est vaillant, c'est pas grave, c'est sale drame. J'ai fini par m'y habituer. Décroche le portable, apprends qu'un ami s'est fait tuer. Devant les yeux de sa fille, l'on délesté de sa vie. Je sais plus si je dois aimer ou bien détester ma ville. Si je dois la quitter, lui rester fidèle. Dois-je écouter mon cœur ou ma raison qui se méfie d'elle? Aussi vrai que ma ville est dure, ma ville est belle. La vie est dure, mais la vie est belle. Toute la ville a les dents longues. On aime briller dans l'ombre. On en a a perdu un grand nom. A jamais respecté dans le monde. C'est ma ville, je l'aime comme ça. Tu sais, je l'aime comme ça. Vive peut-être dormir.